Camden, cafétéria. En juillet 2018, pour ce livre qu'elle écrit, Faustine essaye de situer son séjour aux USA avec exactitude. Alors qu'elle fait des recherches sur Internet, Faustine apprend que le 9 février 1978, la côte est des États-Unis en général, et New York en particulier, ont subi une terrible tempête de neige. Le trafic aérien s'est vu paralysé. Des dizaines de milliers d'Américains sont restés calfeutrés chez eux. Les écoles ont été fermées, les villes désertées. En février 2018, le 9, soit 40 ans plus tard, jour pour jour, une nouvelle tempête de neige a sévi. Par ailleurs, entre le 13 et le 19 février 1978, la colère céleste étant retombée aux US, c'est l'Europe entière qui a enduré de violentes intempéries. Nos amis sont passés entre les gouttes, sans jamais se rendre compte de rien. Ce matin de février 78 donc, pour ajouter au charme ambiant, de fantomatiques taxis jaunes remontent nonchalamment Broadway, entre les murs de neige et les jets de vapeur. Les bruits sont assourdis. Les Américains, traumatisés, sont toujours bloqués chez eux. L'école n'a pas repris. Personne ne s'attendait à de tels extrêmes climatiques. Si on sait faire avec, dans le nord de l'État, la presqu'île de Manhattan n'a jamais connu ça, et bien sûr, manque d'équipement. C'est, sensation étrange, un New York quasi désert en milieu de semaine que nos amis traversent. Petite fourmi dans la ville géante, ils se sentent à la fois minuscules et invulnérables. Maxime affirme que le seul moyen de visiter une ville correctement est de le faire à pied. Faustine approuve. En sortant du diner où ils ont pris leur petit déjeuner, ils prennent la direction de Battery Park, l'extrême sud de Manhattan. Faustine ignore si New York est bâti sur plan, mais on dirait bien, car sauf pour Broadway qui affiche un parcours fantaisiste sur la carte, toutes les autres rues sont à angle droit, tracées au cordeau comme un potager vaudois, de droite à gauche et numérotées de 1 à 31, voire plus. Pour faciliter les choses, la grande pomme est divisée en son milieu, ouest pour ouest et east pour est. Et on renumérote à partir de 1 et respectivement de bas en haut, sans division cette fois. Washington Heights au sommet, Financial District à la pointe du bas. Et entre les deux, une petite dizaine de civilisations différentes. Surtout ne pas confondre l'Upper West Side avec l'Upper East Side, même différence que les rives droites, rives gauches à Paris. Ni Harlem, ghetto noir si dangereux que les flics renoncent à y patrouiller la nuit, avec Greenwich Village, le bien connu rendez-vous des artistes. Entre la 34e rue et Battery Park, on compte 6 km, soit 2 bonnes heures de marche, pendant lesquelles nos amis vont traverser Greenwich Village, Little Italy, Chinatown et le Financial District, se retrouvant finalement nez à nez avec la Statue de la Liberté. À côté d'elle, Ellis Island, qui a vu défiler tant de pauvres gens en attente d'un permis d'entrée ou d'une fin de quarantaine. Dans Greenwich, les vitrines affichent des œuvres très diverses. Tableaux, sculptures, cuvettes de WC, bouquins en tout genre. Dans Little Italy, on verra surtout des épiceries spécialisées et des pizzerias. Dans Chinatown, des boutiques de porcelaine, de vêtements de soie, des ateliers clandestins qui prennent feu de temps en temps. Et bien sûr, pléthore de restaurants. Mais attention, sans la maîtrise de l'italien, du chinois ou un bon plan, on court le risque de se perdre. Ici, nulle traduction. Certains habitants n'ont jamais appris l'anglais. Venus tout droit de leur Italie natale, de leur campagne chinoise, ils se sont installés, ont essaimé, parfois trouvé une place au soleil sans jamais réellement sortir de leur patrie d'origine. Incroyable, mais vrai. Ce soir-là, invités dans le village, chez un pote de Maxime, ils se servent dans un 2 pièces minuscule qui avoisine le sordide. Les loyers sont hors de prix ici. Après l'apéro, ils iront écouter du jazz dans une cave clandestine. Faustine a déjà mangé les 3 cacahuètes qui traînaient par là. Elle attend la suite qui tarde à venir. L'ambiance est plutôt fraîche. Ont-ils compris que Faustine n'est que la maîtresse de Maxime? Il n'y a pas si longtemps, l'adultère était illégal aux USA. Le silence pèse lourd. Aussi, périodiquement, le couple s'évapore dans le cachibi qui lui sert de cuisine et on revient avec quelques munitions. Petits sandwichs, tranches de roast beef froid, morceaux de poulet. La bouche pleine, ils disent à la cantonade « Please, help yourself ». Mais ni Faustine ni Maxime, qui n'a encore jamais vécu ça, ne comprennent que ça veut dire. Allez vous servir vous aussi dans le frigo, c'est là-bas que ça se passe. Résultat, de sourire gêné en sourire gêné, écoutant gargouiller leurs estomacs creux, ils patientent jusqu'à ce que leurs amis lèvent enfin le siège pour partir. La cave de jazz n'est qu'à un bloc d'ici. Un escalier étroit pénètre les entrailles de l'immeuble. On y croise une drôle de faune montante et descendante. À l'arrivée, une immense cuisine. Trois longues tables avec des bancs meublent le milieu de la pièce. Dans le fond, une sorte d'estrade, faux plancher soutenant l'orchestre. À l'opposé, un coin buvette meublé de trois ou quatre gigantesques frigos. Sur une table, gobelets en plastique, ouvre-bouteilles, cendriers. Le paiement se fait selon les moyens de chacun, dans une grande tirelire. Maxime et Faustine se voient munis d'une canette de bière glacée et s'installent à une table avec leurs amis. Devant l'orchestre, les amateurs de bebop s'en donnent à cœur joie. Certains n'hésitent pas à monter sur les tables. Quelle ambiance ! Faustine exulte. Du vrai jazz de black. Des chanteuses entonnent des Negro Spirituals qui prennent aux tripes. Plus tard, d'autres reprennent les vieux succès de Billy, d'Ella, de Louis. Vers minuit, l'ambiance devient extraordinaire, tant la salle siffle, chante, claque dans les mains. Voilà une soirée dont ils se souviendront longtemps. Il fait presque jour quand ils rejoignent leur lit, les oreilles résonnant encore des derniers racks. Le lendemain, levé aux aurores, ils marchent longtemps dans Central Park, essayant d'imaginer quelle serait leur vie, leur perspective s'ils devaient s'installer à New York ou dans le nord de l'État. Faustine opte pour la campagne. Le New Jersey peut-être ? Plus facile pour élever des enfants, assez proche de la ville pour profiter des théâtres et des cinémas. Quoi qu'il en soit, du travail, il y en a dans cette Amérique qui connaît encore le plein emploi, ou presque. Ici, ceux qui ne travaillent pas ne le veulent pas. N'importe qui peut réussir, pour autant qu'il soit bosseur. Après leur virée dans Central Park, les deux amants bagnotent sur Madison, l'avenue des Amériques, la célèbre 5e avenue, puis passent vers le Rockefeller Plaza, admirer les évolutions des patineurs. Vers la fin de l'après-midi, ils vont quérir la voiture louée au comptoir Hertz, puis rentrent se changer. Ce soir, Maxime amène sa belle au Eddie Cullen Club sur la 144e Ouest et 54e. Le club est un endroit mythique de New York, fondé en 1945 par Eddie Cullen lui-même. Il a accueilli les plus grandes têtes d'affiches du jazz américain. Maxime sait que le trio qui joue ce soir est excellent. Bobby Gosch au piano, James Andrew au saxophone et Michael à la batterie. Le clarinettiste espère qu'on lui permettra de jouer deux ou trois morceaux. À nouveau, il lui faut subir la méfiance des pros jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que Maxime touche sa bille et manifeste leur respect. En fin de soirée, tout le monde rejoint la table de Faustine et Maxime qui se font un plaisir de leur offrir un verre. Entre eux, les musiciens évoquent l'évolution du jazz dans la Grande Pomme. C'est ainsi qu'ils appellent New York. Les boîtes qui ouvrent, celles qui ferment, les jazzmen qui sont morts, les overdoses de drogue ainsi que l'alcool font des ravages, et ceux qui ont préféré les fastes de la Californie. L'industrie du cinéma engage encore des orchestres, il faut en profiter. Tandis qu'il dédicace le programme à l'attention de Faustine, qu'il a toujours 50 ans plus tard, Maxime distribue sa carte. S'ils viennent à tourner en Europe, ils seront les bienvenus aux pieds bleus, of course. Pour rejoindre Washington, Maxime a loué une Chevrolet verte assortie aux yeux de Faustine. Entre nous, c'est un vous, mais pour rouler à 90 km/h sur des autoroutes à quatre voies, c'est largement suffisant. Tout ce qu'on risque, c'est d'attraper le mal de mer. Maxime sort de Manhattan par le Holland Tunnel, et sitôt qu'ils sont sur l'autoroute Interstate 95 qui relie New York à Washington en contournant Philadelphie, il laisse le volant à Faustine. La jeune femme a réellement l'impression de piloter un bateau. La voiture est immense et le flou dans la direction oblige à rectifier l'axe sans arrêt. Nerveuse, Faustine allume une cigarette après l'autre. Enfumée, Maxime réplique en ouvrant sa fenêtre. Il fait terriblement froid. Alors Faustine se réchauffe avec une nouvelle cigarette et bien sûr, personne n'exprime le fond de sa pensée. À Washington, Maxime participe à un congrès. Il présente un ou deux papiers, fruits de ses recherches, en écoute d'autres. Surtout, il rencontre des gens spécialisés dans la même branche que lui. Au petit matin, les amoureux prennent leur breakfast dans un vrai diner. Le modèle original, un wagon de train racheté et transformé. Dans l'Amérique des années 80, sous Reagan, a commencé le démantèlement des services publics. En conséquence, on trouve ces wagons un peu partout. Parfois, le diner prend la forme d'un bus désaffecté, posé sur plots, un peu comme les roulottes européennes, mais en beaucoup plus grand. On en trouve en bordure d'autoroute, dans des parcs ou sur des terrains vagues. Les Américains rivalisent d'imagination pour les décorer. On y mange aussi bien des hamburgers, le plat national avec le T-bone steak, le maïs doux et les pommes de terre au four, que du poulet frit ou des club sandwich. Faustine aime bien Washington, dont émane l'atmosphère d'une ville de province. Construite sur plan en damier par un franco-américain, rien n'est laissé au hasard. Les musées sont sagement organisés autour du mall, avec le Capitole à un bout, le monument Washington au milieu et le mémorial Jefferson à l'autre. Entre les deux, des kilomètres de gazon entrecoupés d'allées bétonnées, de quoi avoir vraiment, vraiment mal aux pieds. En plus, chaque musée semble aussi imposant et donc fatigant que le Louvre. Faustine en a vite marre. Elle se replie sur Pennsylvania Avenue. Passant devant la Maison Blanche, elle guigne entre les barreaux des fois-queues. Mais un sbire, armé jusqu'aux dents, lui signale vertement que les visites commencent à 14h et qu'elle doit attendre là. À l'heure dite, elle prend son billet, suit le troupeau, pénètre dans le sein des saints, admire, acquiesce, opine du béret. Ah, si les murs pouvaient jaser! Eux qui ont entendu tant de mensonges, voilà qui serait vraiment intéressant. Avant de rejoindre le café où elle a rendez-vous avec Maxime, Faustine se repose dans un square envahi de petits écureuils gris. Ils ne sont pas farouches, ceux-là. Ils sautent de branche en branche en criant tout ce qu'ils peuvent. Pour un peu, il lui mangera dans la main. Se réjouissant de revoir son amoureux et de faire avec lui la route de retour, Faustine patiente. 3 heures plus tard, son verre est vide depuis longtemps et son bouquin presque achevé, quand Max arrive enfin. Soulagée, elle ne songe même pas à faire la gueule. Il a l'air de quelqu'un qui a une bonne nouvelle à annoncer et effectivement, elle ne tarde pas à tomber. Désolée ma chérie, la réunion a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais figure-toi que j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait bien être intéressé par ma pomme pour un job. Chouette alors, quelqu'un d'ici? Ouais. Un entrepreneur du Bronx, actuellement en Virginie. Tu le verrais? Un papy, malin comme un singe, qui monte sa troisième entreprise. Il a déjà laissé sa chemise dans les deux précédentes, mais il est sûr de réussir cette fois, et il pense que je pourrais lui être utile. Il va étudier mon dossier et me recontacter. Surtout, il va venir animer un séminaire à Paris l'an prochain et m'a proposé de m'y inscrire pour que je puisse apprécier son travail de visu. Bon, on y va? Je nous sors de la ville et je te passe le volant. Si on ne veut pas rater notre avion, on a intérêt à sortir les pouces du cul. Youpi, oui, je veux bien, j'en profiterai pour te raconter ma journée à la Maison Blanche. En soirée, le duo se gare devant une cafétéria à Camden, dans le New Jersey. Ils ont largement le temps de souper, il ne reste plus qu'une petite heure de route pour rejoindre Kennedy Airport et attraper le vol de 23h25. « Tu devrais goûter ce cheesecake, il est délicieux. »« Oui, il en a l'air, je finis d'abord ma salade César et je vais m'en chercher un. » »« Alors, qu'as-tu pensé de ton premier séjour aux States ?»« Génial, j'aimerais tellement vivre ici, c'est un pays super !»« Tu ne m'en veux pas trop de m'être comporté en baiseur taciturne alors que nous nous étions promis des heures de discussion ?» J'ai du mal à causer quand je suis inquiet pour notre avenir, tu sais. Bof, tu es tout pardonné. Parler dans le vide, c'est pas mon truc. J'aime bien refaire le monde, mais pour le reste, je me contente de réagir. On gagne du temps. Et puis, si je peux digérer tranquille quand j'emmagasine du neuf, c'est toujours ça de prix. J'oubliais. T'as pensé à confirmer ton vol de retour? Pardon? Oui, tu sais bien, quand on rentre des États-Unis, il faut confirmer le vol de retour 72 heures à l'avance, si tu veux éviter qu'il donne ta place à quelqu'un d'autre, et comme ils font souvent de l'overbooking. Tu sais bien. Non, je ne sais pas. Et comment veux-tu que je le sache? C'est la première fois que je viens. Et c'est toi qui as pris mon billet d'avion. Je vais aller téléphoner, mais je te préviens, s'ils ont vendu ma place, je prends la tienne. Faustine, folle d'angoisse, furieuse, dévisse quasiment la cabine téléphonique en faisant son appel. Heureusement, la préposée d'Air France est très aimable. Elle confirme le vol de suite. Faustine aura sa place, qu'elle ne s'inquiète pas. Malgré ses bonnes paroles, la jeune femme ne décolère pas. En sortant du restaurant, elle pousse la porte extérieure envers Sécurite avec une telle violence que les 6 mètres carrés atomisés retombent en milliers de morceaux sur le parking, ainsi que sur Maxime qui la suit de près. Hé, mademoiselle, il faudra apprendre à maîtriser tes nerfs si tu veux qu'on continue, toi et moi, grogne Maxime en époustant les briques de verre qui lui sont tombées dessus. Sans daigner répondre, Faustine poursuit son chemin. Elle va mieux, l'angoisse est retombée. Par contre, Maxime doit réagir vite s'il ne veut pas avoir les flics aux fesses dans pas longtemps. Faisant demi-tour, Fissa, il retourne dans la cafétéria et s'adressant au géant ahuri venu aux nouvelles, l'engueule dans son meilleur anglais. « Vous devriez vraiment contrôler votre matériel. C'est une honte de le laisser dans un état pareil. Nous aurions pu être gravement blessés à cause de votre négligence. Faites attention. La prochaine fois, je vous envoie mon avocat. » Le responsable, sonné, n'a pas le temps de réaliser qu'il s'est fait rouler dans la farine, que le couple, déjà remonté en voiture, est hors d'atteinte. Tu vois, commente Maxime, quand on les met face à un défaut de compétence, ils se laissent dire n'importe quoi, ces Américains. Avec eux, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ladies and gentlemen, we are ready for departure. Please be seated and fasten your seatbelts.